Fou 89.1. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission des Bonnets Rouges qui va tout de suite débuter en musique avec un morceau du groupe John Spencer Blues Explosion. Good. Et on vient de s'écouter Road Again des Left Hand Cruiser, issu de leur album Junkyard Speedball. Et c'était précédé de Dynamite Lover des John Spencer and Blues Explosion sur l'album Not I Go Worry. Et on va continuer avec Decline et le titre Shining Cage, issu de leur album 12A Cavalry Road. Et ce sera suivi des Killigans avec le morceau Karski Dead Soldiers et Dropkick Murphys et 10 Years of Service, issu de leur dernier album The Gang's All Hair. Well, gather round the glass and grab hold of your ladies. We'll send off Karski's soldiers one by one. We'll drink our health by the fire, keep one step ahead of hell, 'cause dead men never see the rising sun. Your time's run up at last. There's no one left to hear your giant song. And as you board your ship to sail from these forgotten shores, we handful to our left will send you on. Major passage, major passage, may you find your peace at last. Along the other side of death's eternal door. vient de s'écouter 10 Years of Service des Dropkick Murphys, issu du morceau issu de leur album The Gang's All Hair. Et c'était précédé des Korski Dead Soldier des The Killigans, issu de leur album One Step Ahead of Hell. Et c'était encore tout au début de ce bloc Shining Cage de Decline. Et on va continuer dans les bonnets rouges, toujours sur ces fous, avec le morceau Alone de Bishop Green et Taking Over des Machine Gun Dolly, morceau issu de leur album Until the Grim Reaper. Yeah. Pause publicitaire, on vient s'écouter le morceau Sombrero des Trois Fromages issu de leur album Cheese Powers et le concerto pour quatre pieds. Yeah. toujours les mêmes putains d'accords. Répétez 100 fois et 100 fois encore. On continue maintenant avec les vaches laitières et le morceau Le Petit Matin Bourré qui est issu de l'album On n'est pas des moutons ou bien. Ce sera suivi du morceau Au bistrot de la marée basse des Clébards, issu de l'album Le Genre Humain. Ça parle de boissons un petit peu quand même, hein, dans les bonnets rouges là, avec ces deux morceaux. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Journée, les lueurs du matin viennent de se m'entourer. chauffer. Et plus le jour se lève et plus on se sent gai, nos cœurs se remplissent de joie, de sérénité. Toute la vie devrait ressembler à un de ces petits matins bourrés. Un peu de tendresse partagée, un peu de bonheur ajouté à l'éphémère euphorie de ce petit matin bourré. Toute la vie devrait ressembler à un de ces petits matins bourrés. y a du jaja à 1 euro. Et c'était Au bistrot de la marée basse des Clébards sur l'album Le Genre Humain, et c'était précédé juste avant du morceau Le petit matin bourré des vaches laitières. Et on va maintenant s'écouter 1000 volts des Gueules Noires, morceau issu de leur album Comme un air de révolte, et ce sera suivi du morceau Sur la route de Hors Contrôle, morceau issu de L'Union fait la force. Chacun de ces mouvements, c'est contre l'État qui forme et qui réforme. Se fout de la forme derrière son uniforme, à forme, difforme. C'est contre le système qui nous écrase, à coups de gaz dans les manifs de phrases. Au même tarif pour qu'on rentre dans les cases du morpion des études, sachant que l'emploi n'est pas une certitude. Y'a beaucoup trop d'incertitudes et je prends pas l'habitude de vivre au rythme qu'on m'a posé. Je trouve pas le bouton pause de vivre au rythme qu'on me dit. Je vis comme j'en ai. L'anarchie n'est pas une maladie, je parle même d'un paradis. Je vous l'ai dit, je vous le redis pas. Écoutez-nous, écoutez-moi, lâchez-nous, lâchez-moi. Où arrivera ce qui arrivera? Croyez-moi, évitez ça. Et l'on vient de s'écouter Sur les routes de Hors Contrôle, morceau issu de l'album L'Union fait la force. Et c'était précédé de 1000 volts des Gueules Noires. Et maintenant que nous sommes en cette toute fin d'émission, je vais devoir céder la place à notre ami Camarade B et vous dire à dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission des Bonnets Rouges. C'est un scandale. C'est ça, c'est un scandale, on peut se le dire. Et ce sera le titre aussi du morceau qu'on va s'écouter pour se quitter ce soir. C'est un morceau des Sarcophiotes issu de l'album C'est pas nous les méchants. À dans deux semaines. C'est l'heure de la capitale. Si on arrête pour finir l'économie ultra-libérale.